Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que le capital social et quelles questions pose cette notion très répandue aux chercheurs des sciences sociales mais aussi aux théoriciens des migrations ? S'interroge François Héran. Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa nouvelle série Pourquoi migrer, il propose d'interroger les facteurs déterminants des migrations. Depuis la semaine passée, il présente et propose une lecture critique des différentes théories de la migration à partir de la synthèse du rapport Massé dans les années 1990. François Héran s'interroge depuis hier comment Douglas Massé a pu mettre en œuvre le capital social dans le cadre de son observatoire de la migration mexicaine et quelles questions peut poser la politique de regroupement familial aux États-Unis, pays qui pratique le plus ce type de regroupement. Enfin, pourquoi Douglas Massé ne fait-il pas référence au rôle législatif de l'État sur la question du regroupement familial ? François Héran a cité l'économiste démographe Sophie Ponthieu, qui a publié un livre de référence intitulé « Le capital social ». La chercheuse qui travaille à l'INSEE rappelle, et je la cite, « C'est dans les constructions théoriques qui transgressent le clivage entre sociologie et économie que le capital social va émerger initialement. » L'une, celle de James Coleman, traverse la frontière en intégrant le choix rationnel au sens étroit des économistes dans la construction d'une théorie sociologique générale. Cela sera la conceptualisation la plus influente pour la suite de la carrière de la notion. Mais tout de suite, retour à Pierre Bourdieu, nous gagnons le cours du Collège de France le 7 février 2019 pour la série de François Héran « Pourquoi migrer ?» opus 9. Je vous présente extrait d'un article de Douglas Massé, c'est le grand article en fait dans lequel il essaie de mettre à l'épreuve les différentes théories qui existent sur les facteurs de migration. Il les met à l'épreuve sur son observatoire mexicain. Je rappelle que c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, c'était quand même assez solide. Et il essaie notamment d'introduire des indicateurs de capital humain. Mais il y a aussi, dans le même article, des indicateurs qui pourraient valider la théorie néoclassique, la connaissance de l'écart des salaires entre le pays de départ et le pays d'arrivée. Il y a toute une série d'autres indicateurs. Enfin, mais ça, je vous en parlerai dans un cours postérieur. Ce que donne, finalement, l'épreuve empirique, la vérification scientifique. Est-ce qu'on arrive à démontrer qu'entre ces six grandes théories qui ont été énumérées là, il y en a une qui marcherait mieux que d'autres, que certaines seraient davantage vérifiées sur le terrain que d'autres ? Suspense, je vous le présenterai plus tard. Alors, il vaut la peine de suivre la fortune lexicographique des autres espèces de capital introduites par Bourdieu dans son système. Sociologie de Bourdieu, c'est un système. Et ce qui est intéressant, c'est que ces autres espèces de capital, elles n'ont pas de concurrentes dans le vocabulaire commun, à savoir les concepts de capital culturel, capital symbolique ou capital économique. Et là, vous voyez, c'est assez saisissant, et les trois expressions étaient quasiment inconnues avant 1970, et c'est à partir de 1970, vraiment à partir des écrits de Bourdieu, que ces expressions ont connu un essor absolument fulgurant dans le vocabulaire français, et vous voyez que ça n'est pas totalement terminé, un signe de stagnation vers la fin, mais c'est pas très clair. Capital social, en revanche, n'a commencé à percer, nous l'avons vu, que 20 ans plus tard, au début des années 90. Et on peut donner plusieurs explications à ce décalage. Il y a d'abord le fait que Bourdieu n'a pas donné au capital social la même importance qu'aux autres formes de capitaux. Ou plus exactement, comme on le verra, il a conçu le capital social comme un capital de relation, mais une sorte de capital complémentaire qui accroît le rendement des autres capitaux. C'est un peu ça, la relation. Mais évidemment, l'apparition plus tardive du capital social dans l'œuvre de Bourdieu, sa réception plus tardive dans le public, tient aussi au blocage qui existait dans le fait que l'expression française était déjà prise dans le vocabulaire juridique ou commercial. Alors qu'aux États-Unis, cette concurrence n'existe pas. En droit commercial, en droit américain des sociétés, n'existe quasiment pas. On dit capital tout court. Il faut tenir compte également, me semble-t-il, des connotations du mot « social » en anglais américain qui diffèrent sensiblement des nôtres. Alors certes, on trouve dans les deux langues certains usages de « social » qui sont tout à fait parallèles. Là, par exemple, c'est assez intéressant de voir que « social structure » et « structure sociale » ont une évolution assez parallèle dans les corpus anglophones et francophones. Ça culmine dans les années 70, ça s'effondre ensuite, et ça, c'est tout le destin des théories macro-sociologiques qui ont fleuri, ou néo-marxistes qui ont fleuri dans les années 70 et qui ont pris du plomb dans l'aile depuis. Donc là, oui, vous avez un parallélisme. Mais quand on regarde d'autres usages, comme par exemple le social dans « politique sociale », social policy, politique sociale. Alors là, d'abord, il faut séparer le corpus britannique du corpus américain. Car pour les Anglais, la politique sociale, c'est quelque chose d'important. Pour les Américains, beaucoup moins, comme vous le savez. Et la France a anticipé et se retrouve à peu près au niveau britannique. Donc là, vous voyez qu'aux États-Unis, l'usage de social dans politique sociale, social policy, est beaucoup moins fréquent qu'il ne l'est en France ou en Grande-Bretagne, et ceci compte évidemment dans la connotation générale du terme quand on veut comparer les langues et essayer de comprendre ce que veulent dire les mots qui ont l'air pourtant universels a priori. Au fond, ce qui est important, c'est que « social » et ses dérivés en anglais évoquent finalement considérablement le domaine de la sociabilité. Qu'est-ce que vous faites le week-end ? We socialize, dit-on couramment aux États-Unis. Vous n'avez pas imaginé les Français qui vous diraient « nous socialisons ». En fait, c'est une façon tout à fait ordinaire de dire « le week-end, nous sortons, nous allons voir des amis, la famille, discutons avec des gens, we socialize ». Et la société dont il est question dans ce dérivé de social, ce n'est pas la société en général, c'est la petite société, c'est celle du jeu de société, c'est celle des talents de société. Qui est resté en français dans quelques expressions toutes faites un peu vieillies, c'est la société définie en 1690 dans le dictionnaire de Furtière. Société, toute compagnie de personnes qui s'assemblent habituellement pour le jeu, la conversation, etc. Alors, à quel moment la langue française va-t-elle développer le concept pour arriver à la notion englobante de société, à ce qui deviendra la société des sociologues ? Eh bien, c'est au cours du XVIIIe siècle, et par transitions successives, à travers le développement de formules intermédiaires, comme « fuir la société de ses semblables », puis peu à peu, ça devient « fuir la société tout court », « se retirer de la société », et toutes les formules qui ont commencé à dissocier l'individu de la société. Et au XIXe siècle, c'est finalement l'acception sociologique de la société comme totalité englobante, qui deviendra prépondérante dans la terminologie française, et l'évolution sémantique de l'adjectif social ira dans le même sens, sous la double influence de la sociologie d'une part et des politiques sociales de l'autre, et ceci à un degré bien plus fort qu'aux États-Unis, où la société au sens de compagnie, de travail, de fréquentation, restera beaucoup plus prégnante. Et il n'est pas étonnant que, fidèle à ce registre, les Américains aient parlé avant nous de « social networks », de réseaux sociaux, pour qualifier des applications permettant de faciliter la sociabilité quotidienne. Ils l'ont fait plus spontanément et plus rapidement que les Français, en gros avec 12 ans d'avance, quand on regarde le témoignage de l'application Engram Viewer. Un réseau social n'a pas de préoccupation sociale, c'est un réseau de sociabilité. Nous sommes habitués aujourd'hui à cette appellation, elle est venue d'outre-Atlantique, mais enfin, je me souviens que quand elle avait commencé à percer dans les années 90, avant de prendre la forme que l'on sait dans des applications informatiques de diffusion massive, eh bien, les Français trouvaient un peu étrange d'appeler sociaux ces réseaux. Il fallait expliquer l'expression aux profanes. Tout ceci pour dire que social, dans l'expression anglaise social capital, évoque spontanément l'entretien ordinaire des relations ordinaires. L'entretien normal du lien social, la sociabilité. Alors que l'expression française « capital social » relève d'un registre plus soutenu, renvoie plutôt à la composition d'un carnet d'adresses que l'on active avec soin, une stratégie de sociabilité. Il y a, dans le capital social au sens de Bourdieu, des connotations mondaines très marquées et qui n'apparaissent guère dans la version américaine du concept, et en particulier quand elles s'appliquent aux migrants. Alors, ce décalage, je dirais même ce malentendu, apparaît clairement quand on examine de quelle façon Douglas Massey lit Pierre Bourdieu pour étayer sa propre théorie du capital social appliquée à l'étude des facteurs de migration. Massey cite régulièrement, j'ai trouvé ça au moins 4 ou 5 fois dans ses différents articles et ouvrages, il cite régulièrement un texte devenu fameux de Bourdieu, la note de 2 pages, qui ouvre en janvier 1980 le numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales, qui était la revue que Bourdieu avait fondée, sous le titre « Le capital, note provisoire ». Et ce texte est souvent cité aux États-Unis, mais cela dit, quand les auteurs américains citent Bourdieu, enfin pour se référer à son approche du capital social, ils citent un autre texte, beaucoup plus fréquemment, parce que ce texte est beaucoup plus systématique, et c'est un texte qui en anglais s'appelle « The Forms of Capital », les espèces de capital ou les formes de capital, dont il n'y a pas de version française, parce qu'il a été publié en version allemande en 83, dans un recueil collectif, et puis il est passé de la version allemande à la version anglaise en 86, dans une anthologie, un manuel de théorie et de recherche sur la sociologie de l'éducation. Et ce texte, Les formes de capital, c'est le seul texte où Bourdieu, de façon absolument systématique, passe en revue le capital symbolique, le capital culturel, le capital économique, le capital social, etc., et explique toutes les règles de conversion, les relations qui existent entre ces différents capitaux. Ce texte, The Forms of Capital, va connaître un succès absolument phénoménal aux États-Unis, puisqu'il accumule à ce jour 42 500 citations. C'est du même ordre de grandeur que les best-sellers de Putnam. Alors, évidemment, on se situe au carrefour de la sociologie et des sciences de l'éducation. C'est un texte de sciences de l'éducation. Entre les citations de chercheurs et la référence au manuel, tout l'enseignement, la canonisation qui a été faite de Bourdieu dans toute une série d'enseignements aux États-Unis. Mais Massey ne se réfère pas à ce texte de 86, en fait 83. Il préfère se référer à la version plus ancienne de 80 parce qu'il tient à affirmer la paternité de Bourdieu dans ce domaine par rapport à d'autres auteurs pour lesquels on revendique cette paternité. Beaucoup de gens disent que c'est James Coleman qui a inventé la notion de capital social ou bien c'est Robert Putnam qui lui a vraiment donné toute son extension. Massey ne cite jamais Putnam. Le mode de fonctionnement de Putnam, son orientation idéologique, etc., c'est pas du tout celle de Massey. Enfin, il y a là un clivage. Et j'observe que dans les copieuses bibliographies de Massey, Putnam n'est jamais cité. Les non-citations sont aussi significatives que les citations dans le milieu de la recherche. Alors, que dit Bourdieu, finalement, dans ce texte de janvier 80, je cite original français. Le capital social est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. Alors ça, en anglais, ce jeu de mots disparaît, hein, il n'est pas compris. Mais il y a l'idée qu'on est dans des groupes fermés et que ce qui est évidemment fondamental dans ce capital de relations, c'est de veiller aussi à la clôture du groupe. N'importe qui ne peut pas y entrer. On ne peut pas en être comme ça. Hein, c'est... Voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Proust qui dit « Le Ritz n'est pas un endroit chic, la preuve c'est qu'il suffit de payer pour y entrer. » Donc là, il y a d'autres barrières à l'entrée que la simple barrière financière. Et la suite de la phrase de Bourdieu est moins souvent citée, mais elle est plus intéressante, parce que c'est un peu banal de dire que capital social, c'est un réseau de relations, qu'on se connaît, on se reconnaît. Bon. En d'autres termes, l'appartenance à un groupe comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés communes, susceptibles d'être perçues par l'observateur, par les autres ou par eux-mêmes, mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles. Et ça, c'est l'idée qui est forte chez Bourdieu, c'est que vous avez une série de propriétés, de caractéristiques, un revenu, un niveau d'éducation, un capital économique, culturel, etc. Mais deux personnes ayant le même capital économique ou le même capital culturel vont avoir une capacité de valoriser ce capital qui va complètement changer en fonction du fait qu'ils ont ou non pas un capital social. Alors que le capital humain, par exemple, est quelque chose qui est complètement attaché à votre personne. Je vous avais pris de donner l'exemple des langues étrangères, ça meurt avec vous, c'est la connaissance des langues étrangères. Là, le capital social ne meurt pas avec l'individu, il continue, les individus tournent, mais c'est comme la societas romaine, le droit romain est le premier à dire mais une société dont tous les membres se renouvellent reste la société. L'autre exemple pris par le droit romain, c'est une légion dont tous les combattants, peu à peu, meurent, sont remplacés, reste la Légion. La Légion numéro 13 reste la Légion numéro 13, même si tous ces soldats ont été remplacés. Il y a une personnalité juridique, et les Romains sont les grands inventeurs de la notion de personnalité juridique, il y a une personnalité juridique subsistante qui reste, même si les individus ont changé. Donc un capital social, c'est quelque chose dont profitent les individus, mais qui ne leur appartient pas. Contrairement au capital humain, ou au capital symbolique ou culturel, etc., lui, il reste attaché aux personnes. Alors, il ne le dit peut-être pas aussi clairement que ce que je viens de vous dire là, j'essaie de simplifier un peu, mais en gros, c'est ça quand même l'idée radicale qu'il y a chez Bourdieu. Masset ne la comprend pas vraiment, il ne capte pas vraiment cette chose-là. Et une fois énoncée la définition de Bourdieu, qui est citée très généralement, il l'applique à la migration mexicaine. Et voilà ce qu'il écrit. Parmi les personnes qui envisagent de partir pour les États-Unis, liens avec les migrants actuels ou passés, les liens, ties, représentent un atout social de valeur, valuable social asset. Car ils peuvent être utilisés pour acquérir des informations et une aide qui réduisent les coûts et les risques d'une entrée aux États-Unis et augmentent les chances d'y trouver un emploi. Voilà donc l'application que Masset fait d'un notion de capital humain au cas du migrant mexicain. Et alors, comment Masset met-il en œuvre cette définition dans le cadre de son observatoire de la migration mexicaine? Au fond, quand on est sur le terrain, face à des migrants réels ou potentiels, que fait-on concrètement pour activer ces jolis concepts? Eh bien, un questionnaire digne de ce nom ne peut pas se contenter de poser directement aux personnes les questions de recherche qu'on se pose. Et il y a une transposition à faire. Et ça, c'est toute la difficulté de l'art du questionnaire. Il faut opérationnaliser la théorie en passant par des formulations intermédiaires. Mais pour ce faire, Masset opère une singulière réduction. Il limite ses questions au cercle 3 des proches parents des personnes interrogées. Et les questions qu'il pose sont extrêmement simples. C'est: votre père a-t-il déjà immigré ou votre mère a-t-elle déjà émigré? Combien avez-vous de frères et sœurs ayant émigré? Voilà les questions qu'il pose. Et il ajoute à cela un indicateur, alors qu'il se situe à un autre niveau, un indicateur supra-individuel qui caractérise la communauté villageoise d'appartenance, le pourcentage de la population des 15 ans ou plus qui a déjà migré. Et en l'occurrence, dans l'observatoire du Mexican Migration Project, le grand observatoire des migrations mexicaines mis sur pied par Masset pendant des décennies, eh bien, en gros, 12% des localités qu'il avait introduites dans son observatoire, 12% de la population adulte dans ces communes ont déjà migré. Et du coup, sur la base de ces questions, il distingue deux niveaux de capital social. Un, le fait que votre père, votre mère, votre frère, votre sœur ait déjà migré aux États-Unis. Et deux, le fait que votre conjoint ou vos enfants aient déjà migré. Ou encore, lorsqu'il s'agit d'expliquer un second départ vers les États-Unis, après une période de retour, le fait d'avoir déjà un enfant né aux États-Unis. Voilà les questions qui permettent à Massé d'opérationnaliser capital. Alors il appelle, on aurait affaire dans le premier cas un capital social général, dans le second un capital social spécifique, migration specific. C'est une distinction un peu étrange parce qu'en fait, dans les deux cas de figure, ben, on a la migration d'un membre de la famille nucléaire, la seule différence étant qu'il s'agit de la famille nucléaire d'origine dans le premier cas, de la famille nucléaire actuelle dans le second cas, mais enfin, c'est la seule différence. Et en somme, là, on est un peu évidemment dépité par rapport à toutes ces élaborations théoriques. Ce que saisit Massé de cette façon, sous couleur de capital social, c'est le regroupement familial, tout simplement. C'est le fait d'avoir un membre de sa famille proche qui a déjà migré et qui, par conséquent, pourra vous donner à coût réduit des informations sur les perspectives d'emploi et de logement dans la zone de destination. Alors, il y a plusieurs remarques là-dessus et plusieurs critiques ont été faites. C'est quand même une façon un peu étrange de traiter la question classique du précédent familial. C'est un problème qu'on rencontre chaque fois qu'on fait des enquêtes. On interroge à un niveau individuel, et puis ensuite on s'aperçoit qu'il y a un problème collectif derrière et qu'il faudrait pousser l'interrogation plus loin. Je songe à ma propre expérience d'une enquête que j'ai faite autrefois sur les investissements familiaux dans l'éducation pour l'INSEE, et il y avait notamment la question du choix de l'école. Donc pourquoi êtes-vous entré dans cette école? Et alors quand un individu dit « Ah ben, c'est parce que mon frère y était déjà », là, vous êtes bien embêté parce que ça ne vous explique pas grand-chose et vous avez envie de poser la question suivante. Bon, d'accord, mais votre frère, lui, alors, comment est-il entré? Comment vos parents ont-ils choisi cette école pour lui? Donc il faut déplacer la question, il faut remonter un peu dans le temps. Et donc expliquer le choix par l'existence d'un capital social, dire ben, « je suis entré dans cette école à cause de mon capital social parce que mon frère y était déjà », vous comprenez que enfin, ça paraîtrait vraiment pas très intéressant et c'est quand même un peu court, même si la filière familiale, évidemment, est un phénomène intéressant en soi. Mais on a quand même envie de comprendre comment elle a démarré, comment ces choses-là ont commencé. Et voilà, alors ça c'est tout le problème de la famille, cette entité étrange qui lie parfois, mais pas toujours, deux existences, qui engendre parfois, mais pas toujours, d'autres existences, et le groupe de personnes ainsi liées forme un assemblage qui ne migre pas nécessairement d'un coup. Donc il peut migrer par étapes, membre après membre. Il peut échelonner ses coups dans le temps, ce qui est la définition même, la définition minimale de la stratégie, mais surtout, et ça c'est quelque chose dont Massé ne parle absolument pas, et il y aura des critiques sévères à ce sujet, il peut profiter d'une législation qui est le droit au regroupement familial. Et c'est une lacune d'autant plus étonnante dans le travail de Massé que les États-Unis, sur lesquels l'attention de Massé est fortement concentrée, et sachant aussi que le corridor, le couloir migratoire du Mexique vers les États-Unis est de loin le plus important au monde. 12 millions de Mexicains vivent aux États-Unis. Il n'y a pas d'autre exemple d'une telle masse d'une même population vivant dans un autre pays, née dans un pays, vivant dans un autre pays. C'est le couloir migratoire de loin le plus important au monde. Alors c'est bien que des gens, évidemment, travaillent, passent leur vie à étudier ça. Mais en même temps, les États-Unis, c'est aussi, de toutes les démocraties libérales, réceptrices de flux migratoires, c'est de loin celle qui compte la plus grande part de migration familiale. Et je vous ai déjà montré, et je le remonte parce qu'il est fondamental, ce schéma qui est la distribution des titres de séjour dans les parties des pays occidentaux qui sont affiliées à l'OCDE. Et je vous avais déjà expliqué que la caractéristique des États-Unis, c'est que 65% des migrants qui entrent chaque année aux États-Unis, les deux tiers, le font au titre du regroupement familial. 680 000 personnes dans le monde chaque année entrent aux États-Unis au titre du regroupement familial. Et ça domine tout le paysage des pays occidentaux récepteurs de migration. C'est vraiment considérable. La France a également une proportion élevée de regroupement familial, on le voit plus bas. L'Allemagne beaucoup moins. Et ce qui sépare les pays, ça j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est qu'un certain nombre de pays profitent des accords de libre circulation au sein de l'Union européenne. Et là, le grand pays qui, en proportion et en masse, attire le plus de migrants eux-mêmes issus de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, pays attractif évidemment, et qui en proportion attire deux fois plus de libre circulation que la France. Alors en Europe, le grand pays de l'immigration familiale, le regroupement familial, c'est la France. Et je vous avais dit qu'il y a deux composantes, le droit des Français à épouser une étrangère ou un étranger, et le droit des étrangers à être rejoints par le conjoint ou les enfants. Et donc, évidemment, il faut essayer d'expliquer toute cette répartition extrêmement inégale des titres de séjour à travers les pays occidentaux. La zone verte est également très intéressante, c'est tout ce qui est humanitaire. Vous voyez que l'Allemagne, au seuil de la crise de 2015, on est encore au début, elle va accroître encore sa part dans les années qui vont suivre, est un des grands pays d'accueil de la migration de refuge. Les États-Unis en masse, c'est pas mal, mais proportionnellement, c'est peu. Et la France, à côté, a des effectifs beaucoup plus, des proportions beaucoup plus modestes. Le record mondial étant détenu par la Norvège, qui est au milieu du tableau et qui a à peu près un tiers de ses migrants au titre du refuge. Bon. Une des grandes difficultés de ce schéma, c'est de se dire, mais enfin, tous ces pays-là relèvent du même droit international, sont censés souscrire aux mêmes conventions internationales et finalement ont des résultats, en quelque sorte, complètement différents dans la répartition des migrants. Il y a le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui pratiquent la sélection des migrants et c'est une vraie politique migratoire. On peut revenir au pourcentage, 28-29% de migrants directement sélectionnés et aussitôt les familles prises avec en même temps. Donc plus de 50% de la migration dans ces pays-là, c'est de la migration sélectionnée avec leurs familles. Le regroupement familial ex post existe aussi, mais il est nettement moindre. Alors que les États-Unis, vous voyez, par opposition au Canada, les États-Unis n'ont pas d'autre politique migratoire qu'une politique, finalement, de mise en œuvre du regroupement familial, avec un peu de migration sélective, un petit peu de refuge, mais c'est tout. Et j'ai eu l'occasion de participer, c'était tout à fait intéressant, à une session de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population qui était consacrée à une discussion États-Unis-Canada, la comparaison des politiques migratoires. Et il y avait là toutes les sommités, les spécialistes des deux questions. Et ce qui ressortait de cette confrontation, c'est que le Canada a une politique migratoire, mais pas les États-Unis. Ce n'est pas simplement parce qu'on essaie de fermer, de rigidifier un peu les frontières, etc., qu'on peut parler d'une vraie politique migratoire. Ça ne suffit pas. Fermer le robinet, ce n'est pas vraiment... Et puis, on n'y arrive pas. Donc, une politique migratoire, c'est une politique, évidemment, d'initiative et qui institue des procédures, des concours, comme c'est le cas au Canada, des sélections. Bon, pour l'instant, je n'ai aucun jugement moral, évidemment, entre ces deux pays. Voilà. Donc, du coup, quand on s'intéresse à la question du regroupement familial aux États-Unis, un gros problème se pose. Ce problème, c'est celui de ce qu'on appelle en anglais le « policy gap », G-A-P, le fossé, comment traduire ça ? Ça, c'est toujours l'avantage de l'anglais d'avoir des formules extrêmement condensées, le fossé qui existe entre la volonté politique et la réalisation politique, entre ce que les Américains appellent les « outputs » et les « outcomes ». Les outputs, ce sont les règles, les règlements, les discours, tout ce qu'affiche une politique migratoire en termes d'action dans le débat public, dans le discours public. Ça peut aller jusqu'à une législation. Et puis les outcomes, c'est ce que je vous montre là. C'est ce qui en est vraiment de la réalité des flux, de leur distribution, de la façon dont tout ça se répartit entre les pays. Et le policy gap, c'est quelque chose qui intrigue fortement les Américains. C'est que finalement, dans la plupart, pas toutes, mais dans la plupart des démocraties libérales, à commencer par les États-Unis, on accueille beaucoup plus de migrants que ce que voudrait l'opinion publique, et beaucoup plus de migrants que ce que voudraient les hommes politiques ou le gouvernement au pouvoir. Et ça, c'est une espèce de constante. Comment se fait-il qu'on ait toujours beaucoup plus de migrants que ce qu'on était prêt à accepter ? Pourquoi l'opinion publique a-t-elle beau vous pressez en disant « c'est pas normal, 200 000 titres de séjour par an, c'est beaucoup trop, on est envahi, on est submergé », enfin tout le discours du Front National, mais qui s'étend maintenant à de larges secteurs de la population. et pourquoi, malgré toute cette pression de l'opinion publique, eh bien, on a imperturbablement, depuis au moins 2005, toujours à peu près la même quantité de titres de séjour qu'on attribue. Eh bien, c'est parce qu'il y a les droits. C'est parce qu'il y a toute une série d'acteurs qui font en sorte qu'on applique des droits, qu'on mette en œuvre des droits. Et on a découvert dans les années 70 que le migrant n'est pas seulement un travailleur, mais aussi un sujet de droit, et qu'on a beau limiter l'entrée en introduction des travailleurs, on a beau durcir les conditions du regroupement familial, si on ne porte pas atteinte à la substance, au cœur même des droits, eh bien, il faut quand même finalement, sous la pression de tous les acteurs, les ONG, les juges, le Conseil d'État, etc., et il y a à peu près la même chose aux États-Unis, eh bien, on finit par accepter ces gens. On ne peut pas diviser un droit par deux, par dix, comme ça aussi aisément, c'est ce que je ne cesse de répéter. Mais dans la vision de Douglas Massey, on ne trouve pas vraiment de réflexion sérieuse sur cette question pourtant centrale pour les États-Unis. C'est très étrange. À un certain moment, Massey observe que les membres du Congrès sont finalement en pleine contradiction, parce que d'un côté, ils gardent des législations favorables au regroupement familial, mais ils disent ça un petit peu en passant, par prétérition en quelque sorte, et de l'autre, une partie des congressistes, ce n'est pas forcément les mêmes, en principe ce n'est pas les mêmes, déplore l'invasion des États-Unis par les migrants hispaniques, dont les qualifications sont de plus en plus faibles, les risques de perte d'identité, de submersion, de circonscription électorale qui risquent de passer, qui sont des majority-minority, hein, c'est un grand concept aux États-Unis, il y a des circonscriptions électorales où la minorité ethnique risque de devenir majoritaire, où la majorité risque de devenir minoritaire, et on redécoupe les circonscriptions pour éviter ce genre de choses. Donc, Massey perçoit là une contradiction, et il dit, mais ces gens-là, ils ne comprennent pas que la migration est cumulative, et que finalement, c'est... au fond, la migration en chaîne, chain migration, ce qu'en français on appelait tout bonnement les filières et depuis longtemps, c'est ça qui entretient, perpétue la migration et qui fait que nous avons toujours plus de migrants que ce que nous voudrions. Mais Massey ne fait jamais référence, quasiment pas, à la question législative, au rôle de l'État. Finalement, le rôle qu'accorde Massey à l'État comme entité capable d'encourager ou décourager certaines formes de migration, ce rôle est à peu près évanescent parce qu'il est dans la configuration de la migration mexicaine, qui est quand même largement clandestine, en tout cas dans un premier temps. Et au fond, il en tire la conclusion que les frontières, l'État, ça ne compte pas considérablement dans toute cette affaire. Même si, dans la réalité, il y a finalement une capacité des États-Unis à entériner de facto, mais aussi de jure, le regroupement familial dans des proportions qui sont uniques au monde. Donc, vous voyez un peu le point aveugle. Il ne parle pas ou seulement en passant du versant rights-based, le versant juridique des politiques migratoires. Et il voit dans la façon qu'ont les migrants de jouer de leur capital social, c'est-à-dire pour l'essentiel de s'appuyer sur les membres de leur famille déjà installés sur place, une force en soi qui va déjouer les politiques de fermeture des frontières. Or, en fait, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'auteur qui va critiquer de façon vraiment pertinente et précise, pas du tout de façon agressive d'ailleurs, Douglas Massey sur ce point, c'est James Holyfield, dans son recueil « Migration Theory », sachant qu'Holyfield n'est pas un sociologue qui monte des observatoires, ce n'est pas un observateur de terrain, hein, c'est un spécialiste de sciences politiques, mais qui, évidemment, du coup, par nature, est amené à marquer le rôle des États dans la gestion nationale et internationale des migrations, et par conséquent, dans le fait d'encourager ou pas certaines formes de migration. Le Collège de France et France Culture vous présente le démographe sociologue François Errant, sa série « Pourquoi migrer ?» Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja la frontera, y que borra el camino que detrás desaparece. Tras desaparece. Là, je vous montre simplement comment Massé énumère finalement les indicateurs qui sont des indicateurs de capital humain, donc finalement d'éducation ou d'expérience professionnelle d'une part, et puis ensuite, deuxième partie de la planche, le capital social. Pour le capital humain, il y a l'expérience professionnel et l'éducation, et il mesure ça par le niveau d'instruction, si vous voulez. Et puis, il distingue à chaque fois, pour tous ces indicateurs, quelque chose qui est assez général et quelque chose qui serait plus spécifique, qui serait lié à la migration. Ce qui est général, c'est les qualifications professionnelles qu'on a, les années d'éducation, et puis ce qui est propre à la migration, pour le capital humain, c'est est-ce qu'on a déjà accumulé de l'expérience professionnelle aux États-Unis ? Est-ce qu'on est en train d'effectuer un voyage aux États-Unis ? Combien de voyages aux États-Unis a-t-on déjà fait, etc. Donc, c'est ça qui serait spécifique à l'immigration. Quand on passe au capital social, on découvre donc ce que je vous ai dit, hein, expliqué. Un de vos parents, père ou mère, parent, est émigré aux États-Unis. Le nombre de siblings, ce sont les frères et sœurs de la fratrie, nombre de frères ou sœurs qui sont émigrés aux États-Unis, pourcentage de migrants aux États-Unis dans l'ensemble de la communauté, c'est ce que je vous indiquais, en moyenne c'est 12% dans l'observatoire de Massé. Et puis, il distingue ensuite un capital social qui est spécifique à la migration, c'est-à-dire en fait, mais là, la distinction n'est pas aussi claire que dans la première partie du tableau, est-ce que vous avez déjà une épouse, un conjoint qui a émigré aux États-Unis ? Combien d'enfants avez-vous qui ont déjà migré aux États-Unis ? Et puis si vous avez migré, que vous êtes revenu, que vous songez peut-être à repartir, combien de vos enfants sont nés aux États-Unis ? Au fond, cette définition du capital social est très concentrée, hein, finalement, sur... Et là, on est à des années-lumière du capital social de Bourdieu. Bien que Massé se réfère à Bourdieu à l'entrée de son article. Chez Bourdieu, en effet, le capital social, c'est une forme de domination. C'est un facteur d'inégalité. C'est une concentration, je dirais, presque indue, enfin normale. Une concentration des relations, une capitalisation des relations au profit d'un groupe choisi, d'un groupe fermé. Et dans la petite note de deux pages de Bourdieu, il y a une forte insistance sur le fait que le groupe est clos et que chaque membre est responsable, surveille la clôture du groupe, veille à ce que n'importe qui ne puisse pas y entrer. Ça prend du temps, effectivement, de faire ce travail. Finalement, le capital social chez Bourdieu, ça n'a rien à voir avec le capital social de Massé. Ce n'est pas le fait d'avoir un conjoint, des enfants qui a déjà migré. C'est complètement différent. Pour Bourdieu, c'est un capital mondain, fondamentalement. Et ceci va d'ailleurs lui être pas mal reproché dans la littérature américaine. On va souvent dire « Ouais, mais Bourdieu, c'est quand même très limité, c'est très restreint, c'est bon. » Vous verrez que c'est évidemment toujours un peu plus compliqué que ça. Alors, sur ce point précis, Rémy Lenoir, qui est un fidèle de Bourdieu, qu'on peut ranger parmi les disciples disciplinés, si vous voulez, a publié récemment un article intitulé, récemment, c'est il y a 2 ans, un article intitulé « Capital social et habitus mondain » dans la revue Sociologie. C'est un article très bien fait qui relie au fond toutes les analyses empiriques que Bourdieu a faites dans une série de domaines et qui, d'une certaine manière, ont préparé, ont actualisé ou permettent de compléter la sociologie du capital social. Donc c'est en quelque sorte... un peu l'idée que Bourdieu n'a pas eu le temps de tout terminer, et donc la théorie de Bourdieu, c'est un système, hein, c'est comme une espèce de cylindre, on retisse toujours les mêmes concepts, on les resserre, et Rémy Lenoir continue ce travail de resserrage des concepts, qu'est-ce qui lie tel concept à tel autre, l'habitus, le champ, le capital ceci, le capital cela, etc. Mais l'article est très très bien fait, Et il en ressort clairement que le capital social envisagé par Bourdieu caractérise essentiellement les catégories dominantes. Les exemples cités, dès la petite note de deux pages, mais que Le Noir ensuite enrichit, les exemples cités de champ d'action du capital social, c'est les clubs sélects, les rallyes, les réunions mondaines où les grandes familles envoient leurs filles pour trouver les meilleures parties. Les associations d'élèves de grandes écoles, grand exemple bourdieusien, mais aussi les grandes familles bourgeoises, et puis quelque chose qui a toujours fasciné Bourdieu, la noblesse. Le numéro spécial d'actes de la recherche en sciences sociales, introduit par Bourdieu, étudie successivement la famille du duc de Brissac, par Monique de Saint-Martin, enfin, un très bel article, c'est un article extraordinaire, qui raconte comment, sur plusieurs générations, la famille du duc de Brissac travaille à tenir son rang et à cultiver ses relations, etc. Et Bourdieu adorait avoir ainsi des commandos qui étaient capables d'observer de l'intérieur ces grandes familles. Mais il y a aussi, dans ce même numéro 31 de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, les mariages de l'aristocratie rurale, les grandes familles paysannes. Et ce sont des articles avec des généalogies sur 8, 9, 10 générations. Il n'y a pas beaucoup de familles en France qui sont capables de retracer leur généalogie sur autant de générations. Je me souviens que lorsque j'étais à l'INSEE, qu'on s'était posé la question des origines sociales, à un moment, dans certaines enquêtes, on avait introduit des questions sur l'origine sociale de générations plus haut, la profession des grands-parents. On s'est aperçu qu'en milieu populaire, vous avez une fraction non négligeable de la population qui ne sait pas ce que faisaient leurs grands-parents. C'est trop lointain, on n'en parlait pas dans la famille, on ne passait pas les repas en famille à cultiver la généalogie, à la parcourir, à la retracer, etc. Ça ne fait pas partie des conversations de table normales dans les milieux populaires que de remonter sa généalogie et d'évoquer ce que faisaient les grands-parents. C'est quelque chose qui est relativement restreint. Il faut bien s'imaginer ça. Dans les articles du numéro spécial d'actes de la recherche en sciences sociales, on a au contraire des généalogies extrêmement copieuses, y compris dans cette aristocratie rurale ou ces grandes familles paysannes. Et donc, le mécanisme fondamental que signale Bourdieu dans le fonctionnement du capital social, c'est qu'il multiplie outre mesure, en quelque sorte, le rendement des autres capitaux, qu'ils soient culturels ou économiques. Et ça, j'avais déjà eu l'occasion de vous l'expliquer. Et les notions essentielles dans cette note, c'est celle de la reconnaissance mutuelle d'appartenance à un groupe. C'est toute l'importance du travail de délimitation. Le contrôle vigilant des entrées, éviter les mésalliances, par exemple, ça c'est un thème très important. Donc, le capital social, pour Bourdieu, c'est fondamentalement facteur d'inégalité, facteur d'exclusion. C'est une forme d'accaparement, c'est une forme d'oligopole ou d'oligarchie, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, une distorsion finalement, une distorsion qui est foncièrement négative. Quand vous passez chez Robert Putnam, là aussi je vous l'avais évoqué, mais c'est totalement l'opposé. Chez Putnam, il y a l'idée que d'abord il y a les formes d'engagement civique, l'adhésion aux associations religieuses, aux associations politiques, se démener lors des élections. Toutes ces choses-là sont absolument fondamentales pour le lien social. Et donc, chez Robert Putnam, le capital social, c'est fondamentalement positif. Je me souviens de cet exposé qu'il nous avait fait un jour à Londres. « People with social capital are nice. » Ils sont gentils, ils sont sympas. Et il avait ajouté « nice, of course, is a technical term. » Gentil, c'est un terme technique. Je le mesure. Je le mesure parce qu'ils ont des dons, ils sont beaucoup plus généreux en donations, ils versent des cotisations à toutes sortes d'associations, etc. Bon. Et de façon générale, la mesure de l'intégration qu'on applique aux immigrants chez nous, elle est assez différente aux États-Unis de ce qu'on trouve en France. En France, par exemple, vous n'allez pas considérer que le fait d'adhérer à une association religieuse est un signe d'intégration. Vous avez plutôt tendance à faire l'inverse. Et je me réfère par exemple à l'enquête MGIS, Mobilité géographique et insertion sociale, qui avait été conduite par Michel Tribala en 1992. Parmi les indicateurs d'intégration, il y avait une vision relativement positive d'intégration à l'époque, ou dans les premières publications en tout cas, il y avait l'idée que, notamment, au fil du temps, ils sont de moins en moins croyants. Bon signe d'intégration. Aux États-Unis, c'est à peu près l'inverse. Mais de la même façon, vous avez d'autres indicateurs d'intégration qui s'inversent entre la France et les États-Unis, c'est le rapport au logement. Aux États-Unis, un indicateur fondamental d'intégration, c'est devenir propriétaire de son logement. Mais en France, vous avez 40% peut-être de la population qui n'est pas propriétaire de son logement. Vous n'allez pas dire qu'ils ne sont pas intégrés. Dans la littérature américaine, on est vraiment très très surpris quand on a notre point de vue français de voir les indicateurs qui sont retenus, et celui de la sociabilité religieuse est un indicateur extrêmement important aux États-Unis. Donc Putnam, dans son livre de la fin des années 90, avait conclu à une baisse du capital social aux États-Unis parce qu'il y avait une baisse des adhésions aux associations volontaires, il y avait une baisse de la participation électorale, de l'engagement civique lors des élections, et donc il en concluait à un déclin du capital social. Alors évidemment, quand vous dites « ça fout le camp, c'est en train de partir, le lien social se délite », etc., ça attire l'attention, ça attire des lecteurs, il a un très gros succès avec ça. Et il a fondé une association visant à inciter ses compatriotes à développer le capital social. Et donc c'est la fameuse croisade en faveur du capital social qui a été mentionnée par Sophie Ponthieu dans son livre. Il existe alors un autre auteur dont je vais essayer de vous parler, c'est James Coleman. James Coleman est un sociologue qui a écrit un grand livre sur les fondements de la sociologie. Il est décédé maintenant, il était professeur à Chicago, il était proche de Gary Becker, ils ont professé à la même époque. Et il y a une discussion, une querelle qui n'a pas grand intérêt pour savoir qui de Bourdieu ou de Coleman a été le premier à parler de capital social. Massé pense que ce n'est pas du tout Coleman, que c'est Bourdieu. Il y a un peu un clivage idéologique là-dessus, mais qui n'est pas très intéressant. Et Coleman ne s'intéressait pas beaucoup à cette question et n'a jamais revendiqué lui-même une paternité sur ce concept. Il l'a simplement assez longuement étudié. Outre le livre de Sophie Ponthieu que je vous ai signalé, il faut signaler l'article d'Alejandro Portes, un auteur dont j'aurai l'occasion de vous parler, puisque Portes est un des grands sociologues américains de la migration, collègue de Massé à Princeton, qui lui aussi vient de prendre sa retraite assez récemment, et qui a beaucoup étudié les enclaves ethniques, les problèmes d'assimilation, d'intégration, etc. Je vous en reparlerai. On lui doit un article critique, Social Capital, le capital social, ses origines et ses applications dans la sociologie moderne, qui passe en revue un peu toute l'histoire de la notion, pas tout à fait évidemment dans le sens où je l'ai fait moi, mais qui reconnaît la priorité de Bourdieu et qui insiste face à Putnam, parce que la cible c'est vraiment Putnam, qui insiste sur le fait que le capital social peut être quelque chose de négatif, que le capital social peut avoir une fonction d'exclusion autant que d'inclusion, et c'est vrai aussi pour les migrants. Et donc Portes explique qu'en réalité, bon, d'abord, il y a des phénomènes de mafia, il y a des phénomènes de passeurs, etc. C'est du capital social, les mafias. Hein. Et le problème, c'est que c'est pas la face gentille et sympathique de la migration. Donc Portes fait ce rappel de bon sens et il explique que le capital social, au début, c'est bien pour alléger le coût de la migration, pour alléger le coût de l'accueil, pour rendre plus facile la décision du départ, mais que cet allègement, au bout d'un certain temps, peut se retourner dans son contraire et peut, au fond, finalement, emprisonner les personnes dans un réseau. Et là, il faut évoquer ce qu'évoque toute une série d'auteurs qui ont critiqué la notion, que vous avez quand même beaucoup de décisions d'immigrer et ensuite de suivi de la migration qui fonctionnent avec des systèmes de dette, des systèmes de contrôle extrêmement sévères de la loyauté des migrants délégués par le groupe. Donc il y a bien une migration familiale, il y a bien une délégation d'un migrant vers du groupe, mais on contrôle sa loyauté, on vérifie que par exemple il renverra bien l'argent promis, les fameuses remises. Et tout ceci peut se faire avec des systèmes de contrôle collectif tout à fait drastiques, notamment des systèmes d'endettement ou des systèmes de tontine, etc. Enfin, les Chinois ont poussé ça très loin. Donc Portes rappelle tout cela dans son article, rappelle que la notion de capital social n'est pas strictement limité aux individus. Et d'autres auteurs ont insisté là-dessus, sur le fait que finalement, le capital social utilisé par les migrants, ça peut être aussi un capital institutionnel. Il peut y avoir finalement une capacité des migrants à utiliser des instruments collectifs et les ONG qui soutiennent les migrants, certains auteurs considèrent que ça fait partie du capital social des migrants. Une définition un peu extensive du capital social, mais qu'au fond, si vous avez des relations et si vous savez à qui vous adressez, et que notamment vous êtes capable d'entrer en cheville avec des militants bien organisés qui eux-mêmes font circuler l'information, etc., ben ça aussi, ça fait partie du capital social, ça déborde vos simples traits personnels, vos simples attributs personnels en capital culturel ou en capital économique. Donc, Portes est un très bon article sur le sujet qui mérite tout à fait d'être lu attentivement. Alors, revenons sur le capital social selon Coleman. Coleman dit des choses intéressantes, même si sa vision est globalement assez optimiste. Il explique, et ça très clairement, peut-être plus clairement que Bourdieu, que, à la différence des autres capitaux, le capital social n'est pas une propriété individuelle, c'est une relation sociale. C'est quelque chose qu'on obtient d'autrui, qui ne vous appartient pas en propre. Alors que le capital humain, c'est vraiment attaché à la personne de façon irréductible. Il explique, et ça c'est beaucoup plus ouvert à la fois que la théorie de Massey et la théorie de Bourdieu, qu'en réalité ça peut opérer à de multiples niveaux. Alors là, c'est un petit peu évidemment le début de l'extension tous azimuts de la notion, hein, de sa dilution. Mais enfin, ça opère au niveau des familles, des communautés, des écoles, pas seulement dans des groupes fermés. En cela, il se distingue bien de Bourdieu, et pas seulement au niveau familial, contrairement à ce que dit Massey. Il insiste, et ça c'est fondamental dans sa théorie, sur le fait qu'il y a des liens d'obligation réciproque et il y a des liens de confiance. Donc l'idée de confiance, au sens de pouvoir miser sur autrui, est évidemment importante. Alors là aussi, la notion de confiance, elle est quand même complexe, parce qu'il y a au fond des confiances interpersonnelles et il y a des confiances systémiques, quelque sorte. Alors, il y a Niklas Luhmann, qui est un grand sociologue allemand, a écrit un livre sur la confiance, un petit livre sur la confiance, qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle juste « Confiance »,« Vertrauung » et « Trust » en anglais. Donc, ça a été très traduit, et qui dit « Mais la confiance, c'est un facteur de réduction de l'incertitude. » Au fond, en première rencontre, j'ai plutôt envie de faire confiance. Ça facilite quand même les choses. Si je me méfiais constamment, la vie serait extrêmement compliquée. C'est pas simple, parce qu'apprendre aux enfants à faire confiance ou pas faire confiance, c'est compliqué. D'un côté, il faut dis bonjour à la dame, et de l'autre, méfie-toi du monsieur. Enfin, il faut apprendre la confiance et quand même un peu la méfiance. Et ce dernier point s'est d'ailleurs aggravé récemment. Donc, voilà, c'est pas simple cette affaire. Mais la confiance systémique, dont on ne parle pas beaucoup, est quand même quelque chose d'important. Et il y avait un sociologue austro-américain, Alfred Schütz, qui avait expliqué que finalement, dans le monde social, on attend que les choses continuent comme suivent leur cours, et la plupart du temps, finalement, il prenait cet exemple, les choses se passent comme une lettre à la poste. Alors, c'est compliqué, parce que la poste marche plus aussi bien maintenant qu'à l'époque où Schütz avait écrit. Vous savez que l'accomplissement extraordinaire de la Poste, c'est la façon dont la Poste a réussi à assurer le courrier à une vitesse phénoménale pendant la guerre de 14. Hein, c'est reste un des plus grands exploits de la Poste française. Mais l'idée que, finalement, je mets ma lettre dans la Poste, après je ne sais pas comment le système fonctionne, je n'ai pas besoin de le savoir, il se trouve que mon correspondant, le lendemain, paf, reçoit sa lettre. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le lendemain, mais bon. Et la confiance systémique, elle-même, peut être évidemment ébranlée, mais nous avons quand même besoin, effectivement, d'avoir un bon équilibre entre la confiance personnelle et la confiance systémique. Et dans toutes ces théorisations, on parle beaucoup de la confiance interpersonnelle, assez peu de la confiance systémique, qui est quand même un élément essentiel aussi du lien social. Alors ça peut varier d'un pays à l'autre. Quand on fait, maintenant on en fait beaucoup, des enquêtes au niveau mondial même, où on interroge les gens sur « Est-ce que, a priori, vous faites confiance dans des inconnus ?» Alors là, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre, et les Français sont parmi les peuples les plus méfiants. Ils se plaignent, ils comptent parmi les gens les plus critiques, etc. Bon, je pense que toutes ces enquêtes qui posent des questions extrêmement simples sur la confiance, également les questions de est-ce qu'on peut faire confiance, est-ce qu'on a confiance dans les institutions, est-ce que, également sur le pessimisme, il y a beaucoup d'enquêtes qui vous disent que les Français sont les plus pessimistes, hein, c'est qu'en fait nous avons un esprit critique et que nous avons tout de même un enseignement et des traditions qui développent davantage l'esprit critique que dans d'autres pays. Ce n'est pas du tout dans notre ADN, hein, l'ADN n'existe pas, c'est des choses qui sont socialement constituées et donc je suis toujours très méfiant quand je lis des enquêtes qui essaient de construire de grands indicateurs sociaux, voire économiques, à partir de questions aussi simples. Avez-vous confiance dans auriez-vous confiance dans un étranger? Avez-vous confiance dans vos voisins? Ça me paraît beaucoup trop léger. Mais c'est un peu une voie que Coleman a ouverte avec sa théorisation du capital social. Alors il insiste aussi sur le fait que le capital social établit frais des canaux réguliers d'information. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas contestable. Il insiste sur l'aspect aussi normes et sanctions, qui évoque un peu Bourdieu, c'est-à-dire que si on ne respecte pas un peu une certaine règle du groupe, il peut vous en cuire. Et puis, il insiste aussi, et ça c'est sa fréquentation des économistes, sur le fait que la façon dont les individus investissent dans leur capital de relation, ça peut avoir des effets positifs, certes, mais également négatifs sur le groupe, sans que ces effets soient nécessairement volontaires. Cette idée ne va pas être tellement reprise par Putnam, qui en fait, Putnam, c'est l'homme qui va se réclamer de Coleman pour développer sa vision extrêmement positive et presque angélique du capital social. Et Coleman termine sur un point que beaucoup d'auteurs vont retenir, qui est que le capital social, finalement, a toutes les apparences d'un bien public. Et donc, il faut du coup que l'État s'en occupe. Il faut que tout le monde s'en occupe et essaie, en quelque sorte, de l'agrandir et de le consolider. Voilà. Alors, quand on regarde le grand rapport de l'OCDE, vous savez, celui avec les mains qui protégeaient l'hémisphère ouest, c'est en anglais, mais je vais vous traduire, il réécrit vraiment l'histoire. Dans ce grand livre sur le capital social, il y a toute une sociologie des premières apparitions de la notion de capital social. Ils expliquent que les premiers auteurs à avoir pensé au capital social, c'est Tocqueville, Durkheim et Weber. Et là, on sent tout de suite la confusion. C'est qu'en réalité, il s'agit évidemment du lien social de façon générale. Il s'agit des théorisations du lien social, mais il n'y avait pas, ni chez Tocqueville, ni chez Durkheim, ni même chez Weber, l'idée que on pourrait appliquer à cela la métaphore économique du capital. Ils prétendent, alors ça c'est la capacité, quand vous voulez un peu noyer le poisson, vous trouvez toujours des précurseurs de derrière les fagots. Et donc un certain Anifan, en 1916, a parlé de capital social à propos de l'éducation et des communautés locales. Et puis ensuite, ils arrivent à citer toute une série d'auteurs. Moi j'ai lu par exemple Loury, 1987, une allusion fugitive au capital social, mais franchement, ça n'a rien à voir avec Coleman, au Putnam. Fukuyama, l'homme de la fin de l'histoire, a fait une allusion rapide à la notion de capital social à propos des nations. C'est les nations qui ont un capital social. Enfin, c'est vraiment très fugitif. Et puis à la fin, on cite Bourdieu, non pas pour capital social, mais simplement pour capital culturel, ce qui est vraiment très étrange. Voilà. Donc il faut savoir à quel point cette notion aussi est l'objet de toutes sortes de manipulation, finalement. C'est un peu ça qui se passe. Le livre dans lequel Jim Holyfield a critiqué les insuffisances de cette théorie, et notamment le fait que dans le travail de Douglas Massey, l'État, finalement, était quasiment éclipsé, c'est donc Migration Theory, qui en a sa troisième édition, qui est un bouquin tout à fait remarquable. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter la série de François Héran « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à La Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons ce cours en compagnie de François Héran. Dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture. Thank you.